Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, très heureux de vous retrouver, et on va commencer avec Haydn, parce qu'Haydn, eh bien, c'est la joie de vivre, la bonhomie, un compositeur qui a eu aussi ses moments tragiques, mais dont la musique est toujours, respire toujours une certaine gaieté, une certaine joie de vivre. Alors, la symphonie 29, elle n'est pas parmi les plus célèbres, elle n'a pas de sous-titre, c'est une symphonie que Haydn a composée alors qu'il avait à peu près la trentaine. Et on y retrouve déjà tout son style. Il a guère évolué finalement entre les premières symphonies et les dernières, les symphonies londoniennes, encore que les premières soient marquées quand même du saut du concerto grosso plus ou moins. Et à la fin, bah, ce sont des symphonies qui annoncent bien sûr celles de Beethoven. Allez, on écoute le premier mouvement Allegro di molto de la symphonie numéro 29 de Haydn avec le Northern Chamber Orchestra dirigé par Nicolas Vard. Thank you. Le premier mouvement de la symphonie numéro 29 de Joseph Haydn avec le Northern Chamber Orchestra et la direction de Nicolas Vard. Un peu de Brahms maintenant. Brahms a bien connu la musique de Haydn. Évidemment, ils n'ont pas vécu au même siècle. Brahms a vécu au 19e siècle. Et Brahms a même écrit des variations sur un thème de Haydn. À l'époque, il est vrai, on pensait que ce thème était de Haydn, mais en fait, il n'était pas du tout de Haydn. Bref, un compositeur que Brahms a étudié, ça s'entend pas trop quand même dans sa musique. Surtout dans la pièce qu'on va écouter, la sonate pour clarinette et piano numéro 2. Qui a été composé en 1888 à l'intention d'un clarinettiste qui s'appelait Richard Mühlfeld, fameux clarinettiste, un vrai virtuose qui a inspiré différentes partitions à Brahms. Alors on va écouter donc cette sonate pour clarinette et piano, l'Allegro Appassionato, une sonate d'ailleurs qui est parfois jouée à l'alto avec qui remplace la clarinette parce que ce sont les mêmes tessitures. Alors voici l'interprétation de Paul Meyer à la clarinette et Éric Lesage au piano. Allegro appassionato de la sonate pour clarinette et piano numéro 2 de Johannes Brahms avec Paul Meyer à la clarinette et Eric Lesage au piano. Et on continue avec Johann Strauss père. Alors si Brahms a connu, bien connu Johann Strauss fils, il n'a pas connu le père à ma connaissance. Le père qui était en guerre avec le fils parce qu'il reprochait au fils d'avoir marché sur ses plates-bandes en créant son propre orchestre qui donnait bien sûr des valses, des marches, des polkas dans les salons mondains mais pas que. Et donc ce père était vraiment en guerre avec son fils au point d'un point inimaginable. Il se haïssait. Et donc Johann Strauss père avait quand même des raisons de s'inquiéter parce que le talent de son fils était bien supérieur au sien. Et d'ailleurs, on peut dire que Johann Strauss fils, dans son genre, est un génie. Et il fait partie des grands génies de la musique. Et Johann Strauss père est souvent joué, bien sûr, au concert du Nouvel An, mais beaucoup moins que le fils. Il est surtout connu pour la dernière pièce que l'on joue lors de ce traditionnel concert viennois le 1er janvier, c'est-à-dire la marche de Radetzky. Radetzky, qui était un affreux militaire qui a réprimé dans le sang différentes manifestations qui appelaient à davantage de démocratie dans l'Autriche de Metternich, mais il est quand même passé à la postérité grâce à cette marche composée par Johann Strauss père. La marche de Radetzky de Johann Strauss père avec l'orchestre philharmonique de Vienne et Willy Boskovsky, un peu de baroque maintenant avec Charles Avison, c'est un compositeur anglais, il est né en 1709 Mort en 1770, compositeur qui n'est jamais sorti d'Angleterre, mais qui connaissait très bien les sonates de Scarlatti, puisqu'il en a fait des concertos grosso. Eh oui, il a arrangé différentes sonates de Scarlatti pour en faire des concertos en trois mouvements, ce qui était assez original. Et il y en a un qui est un peu plus célèbre que les autres, parce qu'il a servi de générique jadis des émissions, c'est le concerto numéro 5 en ré mineur. Je vous en propose le premier mouvement, joué par l'ensemble Café Zimmermann. Le premier mouvement du cinquième concerto grosso de Charles Avison avec l'ensemble Café Zimmermann. Et on continue avec Scarlatti, Domenico Scarlatti, puisque ces concerti grossi sont inspirés des sonates de Scarlatti. Le voici, Domenico Scarlatti, qui a vécu beaucoup en Espagne, où il a composé l'essentiel de ses courtes sonates en un seul mouvement. Il était originaire de Naples et le fils d'Alessandro Scarlatti, que l'on a écouté hier dans l'émission d'hier avec la Passion selon Saint Jean. Voici une sonate parmi les 555, rendez-vous compte, 555 sonates. Scott Ross les a enregistrées par le passé, mais peu de clavecinistes et encore moins de pianistes se sont lancés dans l'aventure. Alors voici cette sonate en ut majeur, Kirkpatrick 461, sous les doigts de Christophe Rousset. Thank you. Sonate Kirkpatrick 461 de Domenico Scarlatti, joué par Christophe Rousset. Un peu d'opéra maintenant, avec Thaïs de Jules Massenet. Alors on a écouté hier, dans l'émission d'hier, la méditation de Thaïs, qui est peut-être la page la plus célèbre de l'ouvrage, et pourtant c'est pas une page chantée, c'est pas un air chanté, c'est une page concertante pour violon et orchestre. Et là, pour ce matin, on va écouter un air tiré de cet ouvrage, créé à Paris en 1894 à l'Opéra, et qui est marqué du sceau d'un certain orientalisme que les Français, les Parisiens en particulier, avaient découvert lors des expositions universelles de 1878 et 1889. Un ouvrage inspiré d'Anatole France qui raconte la lente conversion de la courtisane Thaïs sous les exhortations du moine Athanaël. Et voilà, donc une vision de l'Orient un peu fantasmée, bien sûr. Voici un air tiré de cet opéra chanté par Sabine Devielle. Un air magnifique tiré du Thaïs de Jules Massenet avec les voix de Sabine Devielle, Jody DeVos, Marianne Crébassa, donc les trois grandes voix actuelles de soprano et mezzo-soprano, et puis l'ensemble Les Siècles, direction François-Xavier Roth. Un peu de Beethoven maintenant, puisque nous retrouvons notre rubrique habituelle des sonates de Beethoven. On a entrepris de présenter dans cette émission les 32 sonates. On en est à la sonate numéro 11. Sonate numéro 11, pas grand-chose à en dire. On se rapproche de la composition de la première symphonie. Beethoven est déjà lui-même. Et cette sonate, elle naît finalement sans raison précise. On sait pas beaucoup pourquoi Beethoven l'a composée. Certainement que ça répondait à un besoin intérieur. En tout cas, c'est une œuvre magnifique, trop méconnue, peut-être parce qu'elle n'a pas de sous-titres. On sait bien que, comme je le dis souvent dans l'émission, que ce sont les œuvres à sous-titres qui sont les plus connues, les plus jouées, parce qu'elles accrochent le public. Et cette sonate, elle se termine avec un rondo allegretto tout à fait significatif de ce que Beethoven pouvait produire dans le genre à cette époque et à cet âge-là, donc il avait à peine 30 ans. Le voici, c'est ce rondo allegretto joué par le pianiste Stephen Kovacevich. Je vais quand même dire un mot sur lui puisqu'il nous accompagne depuis le début de ce cycle. C'est un pianiste américain qui est né en 1940 et qui a réalisé deux intégrales des sonates pour piano de Beethoven au disque. Là, ce qu'on écoute depuis le début de cette rubrique, c'est la seconde sonate parue chez EMI. Et il a gagné de nombreux prix internationaux. Et en plus, on lui a dédié de nombreuses œuvres contemporaines. Donc, un pianiste essentiel de notre temps, Stephen Kovacevich. Thank you. Le final, rondo allegretto de la sonate numéro 11 de Beethoven avec Stefan Kovacevic. Un peu de Sibelius maintenant, mais un Sibelius un peu inattendu parce qu'on sait que c'est le maître de l'orchestre, sa musique est avant tout orchestrale, symphonique, et Sibelius est un compositeur finlandais. Et à l'occasion du mariage de sa fille, il a composé une étude pour piano charmante. Et je vous la propose dans un arrangement pour violoncelle et guitare. Donc, étude de Sibelius jouée au violoncelle par Jiang Viang et à la guitare par Goran Scholcher. Étude pour piano de Sibelius dans une version violoncelle-guitare avec au violoncelle Jiang Viang et à la guitare Goran Scholcher. Rossini, Gioachino Rossini, c'est le maître incontesté du drame musical, absolument génial, réinventeur de l'opéra, on peut dire ça comme ça. Rossini était original en bien des points, il a été souvent considéré comme le maillon réunissant une certaine école proche de celle de Gluck à celle de Wagner, et 40 opéras, rien de moins, il composait à peu près 2 opéras par an, ce qui n'entamait pas son génie de la mélodie, parce qu'il composait aussi d'autres œuvres, bien sûr, à côté des opéras. Et il s'est installé à Paris en 1824, surnommé le Cygne de Pesaro, sa ville natale, et il cessa sa production lyrique assez jeune, et il mourut en 1868, adulé au point qu'on lui aurait proposé de participer à l'érection de sa propre statue. Bah oui, rien de moins. Il a vécu aisément de ses droits d'auteur. C'est peut-être le premier compositeur avant Offenbach à vivre confortablement de ses droits d'auteur. Et donc Rossini a arrêté de composer assez jeune. On ne sait pas trop pourquoi finalement. Il a composé par la suite quelques péchés de vieillesse, comme il disait, mais il s'est surtout tourné vers la gastronomie, qui était aussi son violon d'ingre, si je puis dire. Et on lui doit le fameux tourne-d'eau qui porte son nom, bien entendu. Allez, voici un extrait, l'ouverture de l'opéra L'Italienne à Alger, opéra de 1813, où Rossini revisite le schéma de l'opéra Seria. L'ouverture de l'Italienne à Alger de Rossini avec l'Orchestre Philharmonique de New York et la direction de Leonard Bernstein. Allez, un peu de flûte maintenant avec la deuxième suite de Jean-Sébastien Bach, qui est un concerto pour flûte en fait, hein, et qui se termine par la célèbre Badinerie. La célèbre Badinerie de Jean-Sébastien Bach, interprétée par l'orchestre de chambre de Stuttgart, direction Karl Münchinger. Et on termine avec le célèbre Boléro de Ravel. Eh oui, le célébrissime Boléro de Maurice Ravel, qu'on aime toujours à réécouter. L'Orchestre Symphonique de Montréal, direction Charles Dutoit. Il paraît qu'il y a un film qui sort sur l'histoire de Boléro. Ben, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler, mais bon, je vais essayer d'aller le voir. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous, et à très très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures musicales.